Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Robertval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Robertval et fiers commanditaires de la chronique de l'instructeur-chef Patrice Gagnon. On va parler des Sabres de Robertval avec notre ami Patrice Gagnon. Cette chronique est une commandite des Caisses Desjardins de Domaine-du-Roy et également du groupe Véro. Salut Patrice. Salut Danny. Patrice, en fin de semaine, c'était la deuxième fin de semaine et ça a été d'abord deux défaites, d'abord 8 à 4 et 3 à 2. Oui, en fait, c'est écrit 8 à 4, mais c'est 8 à 3 samedi et 3 à 2 dimanche. C'est bien okay. Ça, oui. Donc, ça, on y allait dans. Explique-moi le match de 8 à 4. Ben, écoute, samedi, là, c'était 4 à 3 après deux périodes pour les Éperviers. Là, on avait un match qui était très serré. Puis, si on regarde la feuille de pointage, là, vraiment, ça indique pas vraiment l'allure de la rencontre parce que là, ils ont fait rapidement 5-3 en début de troisième période. Puis ensuite de ça, là, le jeu est demeuré serré jusqu'en milieu de troisième. Puis là, c'est le sixième but là, qui a coupé les reins un peu à notre équipe. Fait que c'est ça, à partir de là, ça a été un petit peu plus dur. Là, les gars, là, ils ont trouvé ça difficile. Puis ils ont marqué 7 et 8 rapidement. Là. OK. Donc, et par la suite, dans l'autre match, c'était beaucoup plus serré. Là. On a joué avec pas mal. J'imagine qu'on a. On a travaillé sur le système et ainsi de suite. Oui, ben là, c'est sûr que depuis le début de l'année, on travaille sur différentes choses à chaque semaine. Là, mais écoute, c'est sûr qu'entre les deux matchs, on n'a pas vraiment le temps de travailler sur le système, mais on peut parler des choses qui ont moins bien fonctionné la veille. Non, les gars sont arrivés prêts, là. On a bien sorti. Je te dirais là que honnêtement, c'était 1-1 après deux périodes, mais si on regarde l'ensemble du match, là, c'est nous qui avons eu l'avantage en deux des trois périodes. Là. Parce que la première période, on a eu l'avantage. On a eu un creux en deuxième. Okay. Puisque les Edlons ont pris l'avantage là, pour une bonne douzaine de minutes. Puis ensuite, là, pour le reste de la rencontre, je dirais qu'en troisième, c'est nous qui avons eu l'avantage. Puis on a manqué un peu d'opportunisme. Là. OK. Donc, là, en fin de semaine, il se passe quoi en fin de semaine du côté des Sabres? En fin de semaine, on a un seul match. Là, on joue vendredi soir à Normandin contre les Éperviers. Puis j'imagine qu'on veut vraiment rattraper puis venger cette défaite-là. Les Éperviers qui connaissent un bon début de saison. Ce matin, au POC, je parlais du classement POC dans mon bulletin de sport local. Et ça a été vraiment, là, c'est intéressant, là. Oui, les Éperviers ont un bon début, oui, c'est sûr. Puis, non, c'est le fun de rapidement, là, dans ce temps-là, là, quand on a une défaite par quelques buts, là, d'être en mesure là, de rejouer rapidement contre la même équipe. OK. Hey, je veux t'entendre sur deux affaires. Brandley Matawa, qu'est-ce qui se passe avec? Ouais, écoute, Brandley, là, c'est ça, là, nous, en fin de semaine, là, les gars, là, il y a un de nos joueurs qui avait une excellente idée là, de poser ouais, là, on l'a vu, ça. Le numéro de Brandley sur son casque. Ouais, on a vu ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Puis, dimanche, on était contents parce que Brandley est venu nous voir, puis les gars étaient contents de le voir, là. C'était émotif, là, avant la rencontre, là. Les gars, là, voulaient jouer le match pour lui. Fait qu'on était contents de le voir, mais ce qui se passe un peu au niveau de l'enquête, ces choses-là, je veux dire, c'est dur de le savoir, là. On n'en sait pas trop, là. On pense qu'il y aurait un individu, là, qui est peut-être ciblé un peu, mais que, là, on n'en sait pas plus que ça, là. Je pense que on va laisser les policiers faire leur travail, là, mais, c'est ça. On n'en sait pas plus que ça. OK. Et Samuel Girard, je sais que c'était à la fierté de Robertval hier. Tout le monde parlait de Samuel. Est-ce qu'il y a des répercussions même jusqu'à des Sabres? Ouais, c'est sûr que les gars, hein, c'est un jeune de Robertval. Puis il y a beaucoup de gars dans notre équipe qui ont joué avec son frère, qui connaissent bien Samuel. Amis, puis, ouais. C'est sûr que c'est une discussion là, que les gars ont. Là. Je veux dire, on est tous contents pour Samuel. Puis, oui, on en parle de temps en temps au hockey parce que c'est vraiment impressionnant ce qui se produit avec lui. Puis, Je pense que tout le monde a regardé hier ses débuts, puis c'est vraiment impressionnant, là. OK, OK. Ben, Patrice, un gros merci, puis on se reparle mercredi prochain. Merci, Danny. Donc, voilà, donc Patrice Gagnon, instructeur des Sabres de Roberval. Donc, cette chronique est une commandite des Caisses Desjardins, Domaine-sur-Roi, et également du groupe Véro.